L'arrondissement de Samdion au pied du mont Pekton abrite le festival des sculptures de glace sous thème « Nous irons à jamais sur l'unique foin » à l'occasion de la journée de la brillante étoile, la plus heureuse fête de la nation. Les membres de la troupe de choc du régiment du ministère de la Sûreté du Peuple, de la brigade de construction 618, de la division 216, ont présenté plus de 1200 ouvrages de 75 sortes. Les sculptures laissent entrevoir la puissance nationale et la réalité exaltante de la Corée socialiste. Le lieu du festival est visité par les membres de la troupe de choc de la division 216, les pèlerins aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du mont Pektun, les cadres et les habitants de la province du Yangon.